Je vous propose, avant de donner la parole pour commencer à Franck Georgi autour des conflits LIP, pour que Franck puisse nous donner des repères chronologiques, des repères de contextualisation, notamment sur les deux conflits de 73 et de 76. Donc je vous propose que nous regardions la bande-annonce de l'affaire LIP, qui nous semble une très bonne immersion, c'est une manière de donner le ton et de rentrer dans le vif du sujet. Donc l'affaire LIP de Dominique Dubosc. Je dis LIP, c'est fini. Je répète que LIP, c'est fini. Je dis LIP, c'est fini. Je répète que LIP, c'est fini. Je dis LIP, c'est fini. Je répète que LIP, c'est fini. Je dis LIP, c'est fini. Je répète que LIP, c'est fini. On dispose de nous comme ça, c'est absolument impensable. Encore 12 personnes à la surmission fouillée. Picard, allons. Thank you.